Sur le terrain, pas de pause. Devant le flingue, te pose pas. A qui le soulage, je vais se pas. On est connu, c'est le destin. Ta gueule, j'ai du pilon à tester. Deux barres me suffisent pour investir. Au final, le coffret dans les recuits. Coffre se cache dans les recoins. 9-4, ça arrive lourd. Un dernier coup, et je la retors. Père, tu t'arrives en retard. Des années que tu rates, prends ta retraite. Bicrave la zip, est en métro. 20 grammes de coffret dans le coffio. Charismatique comme Kofi, elles disent la pépite, il est fou. Elles disent la pépite, il est fou. Inconscient qu'associant, le froc rempli de cesse. L'argent c'est notre cause, de plus de terre on monte à bord. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Hello maman, tout à l'heure. Notre délire, je fume un peu trop de Marie-Jeanne avec ma clique de bar jour. À la barre, on part jour, nous l'avons fait pour gémant, pas pour ces putains gémistes. Bientôt en tête de liste, petite reconte malias que de Pernambucano, papa a formé des lions. Vite vol, recette stupéfiant, le shit est bon, t'es stupéfait. Attends, je me mets sous effet, y'a que les putains qui crient fort. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hello maman, tout à l'heure. Hello maman, tout à l'heure. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Il sait pas qu'elle a flic et me balaye. Hello maman, tout à l'heure. Allô maman, tout à l'heure. Allô maman, tout à l'heure. Tu t'abonnes là, tu connais bonheur. Mais les rois à l'heure. Tu t'abonnes là, tu peux le dire. À la bonne heure.